Ils ne savent plus rien, tant ils vont devant eux. Archiloque, appuyé sur l'iambe boiteux, Euripide, écoutant Minos, Phèdre et l'inceste. Molière voit venir à lui le morne Alceste, Arnolphe avec Agnès, l'aube avec le hibou, et la sagesse en pleurs avec le rire fou. Cervantès, pâle et doux, cause avec Don Quichotte. À l'oreille de Job, Satan masqué chuchote. Dante sonde l'abîme en sa pensée ouverte. Horace voit danser les faunes à l'œil vert. Et Marlowe suit des yeux, au fond des bois, l'émeute du noir sabbat, fuyant dans l'ombre avec sa meute.